Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 7 janvier 2017. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Le procureur général de la République annonce que 6 personnes ont été arrêtées pour enquête sur l'assassinat du ministre de l'Eau et de l'Environnement. C'était la nuit du 31 décembre. Alors que le second trimestre de l'année scolaire en cours commence lundi 9 janvier, les enseignants des premières années post-fondamentales en province de Muyinga n'ont pas encore reçu les manuels pour préparer les leçons. Et en Côte d'Ivoire, la situation est toujours tendue et les militaires mutins semblent déterminés à obtenir gain de cause. La mutinerie a déjà gagné Abidjan. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Les enquêtes sur l'assassinat du ministre de l'Eau et de l'Environnement survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier se poursuivent. Au cours d'une conférence de presse ce matin, le procureur général de la République a annoncé que 6 personnes ont déjà été appréhendées dans le cadre des enquêtes. Suivez Sylvestre Nyandoui. Après cet acte ignoble, les enquêtes ont vite commencé et 6 présumés auteurs ont été déjà appréhendés, dont 2 femmes et 4 hommes. Les enquêtes sont toujours en cours et dès qu'elles seront clôturées, le dossier sera fixé devant le tribunal compétent pour que les coupables soient punis conformément à la loi. L'assassinat a été commis par des criminels à main armée au portail de son domicile 6 au quartier Roero 1, commune Mukaza, en mairie de Bujumbura. Il était à bord de son véhicule de marque Land Cruiser Prado, immatriculé C538AGB, et rentré chez lui en provenance du restaurant chez André, situé dans la zone Roero. Le criminel qui l'a assassiné a utilisé une arme à feu et l'a fusillé au niveau de la tête en dessous de l'oreille droite. Voilà, c'était le procureur général de la République, Sylvestre Nyandoui. Et puisque nous parlons justice, un homme de 23 ans est depuis ce vendredi sous les verrous au cachot de Gitega. Il est accusé de s'être caché avec une jeune fille de 15 ans pendant toute une semaine. Et cela au quartier Gahera, au chef-lieu de la province Gitega. La police indique qu'elle est en train de confectionner son dossier. Quant à la jeune fille, elle a été vite conduite à une structure de santé pour être examinée. Et les familles de certains prisonniers de la maison d'arrêt de Bouanza, dont les procès sont en appel à la cour d'appel, se lamentent qu'ils ne comparaissent pas alors que leurs procès sont souvent programmés. Elles jettent le tort sur le parquet de Bouanza et la prison qui doivent assurer leur transport vers Bujumbura. Space Caritas Kavanyana pour les détails. Les membres des familles de ces détenus déplorent le fait qu'ils ne comparaissent pas à la cour d'appel de Bujumbura alors que les procès sont souvent programmés et demandent aux responsables du parquet de Bubanza et de la maison d'arrêt de débloquer la situation. Certains de ces détenus ont déjà comparu une fois, les autres ont comparu, mais leurs procès ont été reportés, tandis que les autres n'ont jamais comparu depuis la mise en appel de leur dossier, selon la même source, et précise que certains de ces détenus seraient déjà blanchis s'ils avaient eu la chance de comparaître à la cour d'appel comme ça a été le cas au tribunal de grande instance de Bubanza. Il ajoute qu'il préfère être transféré vers une autre maison d'arrêt de Bujumbura proche de leur dossier. De son côté, le procureur de la République à Bubanza précise qu'il est au courant de la situation et que ni le parquet ni la prison, personne n'est responsable de la situation. Richard Ndaïsawa, procureur à Bubanza, indique que la responsabilité revient à la cour d'appel de Bujumbura qui ne programme pas les procès de ces détenus, sinon leur transport vers Bujumbura n'est pas un problème, selon le procureur de la République à Bubanza. Pescaritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Une grande partie des aides de la part des ONG étrangères retourne dans les pays d'origine. Cela a été dit par le président du Sénat ce vendredi lors de sa rencontre avec les représentants des confessions religieuses. Révérien de Curio dit qu'en votant la loi exigeant aux ONG de respecter l'équilibre ethnique dans le recrutement du personnel, il dit qu'il n'y a rien de mauvaises intentions. Suivez le président du Sénat, Révérien de Curio. Il est traduit par Alain Désiré Boukayenez. Nous avons voté une loi par laquelle les ONG étrangères doivent respecter l'équilibre ethnique dans le personnel qu'elles embauchent. Toutes les ONG ne viennent pas nécessairement donner des aides. Tenez, il y a par exemple des ONG qui peuvent développer l'élevage des souris. J'aime donner des exemples. Les ONG confectionnent des projets en considération des prix en cours en Europe. Ils établissent par exemple qu'une chèvre sera achetée à 500 $ et puis en tout, elles demandent 1 milliard. Arrivées chez nous, elles vont acheter une chèvre à 40 000 francs, quitte à acheter toutes les chèvres à 40 millions par exemple. Elles vont transporter ces chèvres à 10 millions, sans oublier un tenis qui porte l'identification de l'ONG. Elles vont par après organiser la distribution, ce qui va leur coûter 70 millions sur 1 milliard. L'ONG qui a confectionné le projet va rester avec 930 millions. Ces ONG nous dérobent. Si nous disons que nous n'avons pas besoin d'aide, ils vont négocier. Ils vont essayer de convaincre les autorités, soi-disant qu'elles viennent en aide aux vulnérables, alors que 90 millions partent comme ça. C'est facile pour ces ONG car elles fournissent des preuves par lesquelles les femmes ont dansé lors de la distribution. Ne soupçonnez plus alors notre mauvaise intention. Il n'y en a pas. Dans les jours à venir, nous allons faire le suivi de l'usage des fonds de ces ONG à travers les provinces. Nous devons agir en tant que représentants du peuple. Nous allons poursuivre les voleurs, les malversateurs des fonds publics également. Nous n'avons pas besoin de l'appui de ces ONG là-dessus. Elles peuvent passer toute une année en vantant un seul projet, d'autant plus que le projet a coûté 20 000 $ sur 300 000 $ consignés dans le projet. Le président du Sénat, Révérien Ndikouriyo. Le prix du carburant a été revu à la hausse hier vendredi. Le directeur du carburant au sein du ministère de l'Énergie et Mines explique que la décision est liée à la dévalorisation de la monnaie locale face au dollar américain. Mais aussi, selon Daniel Mitawakana, c'est prévu dans le budget général de l'État, exercice 2017. Cette révision des prix des produits pétroliers est dictée par la variation négative du taux de change de la monnaie locale par rapport au dollar américain, par la variation en hausse du prix de ces produits sur le marché international et par l'application de la nouvelle taxe sur les carburants prévue par la loi budgétaire exercice 2017. Suite aux variations de ces éléments de la structure, les nouveaux prix des carburants à la pompe pour le mois de janvier 2017 se présentent comme suit. L'essence Super se vend désormais à 2100 francs par litre. Le gasoil se vend à 2100 francs par litre. Tandis que le pétrole lampant se vend au prix de 1800 francs par litre. En actualité des Provences, au moment où le début du second trimestre est prévu pour le lundi 9 janvier 2017, les enseignants des premières années post-fondamentales en province Muyinga n'ont pas encore reçu les manuels pour préparer les leçons. Les responsables des écoles demandent à ces enseignants d'attendre jusqu'à ce que l'État disponibilise ce matériel. Dieudonné Zeyman. À moins de 2 jours du lancement du deuxième trimestre pour l'année scolaire 2016-2017, les enseignants de la première année post-fondamentale en province Muyinga n'ont pas encore préparé les matières. Les manuels pour enseignants ne sont pas encore disponibles. Au cours de cette semaine, les enseignants de ces premières années ont fait des séances d'évaluation du premier trimestre afin de se préparer conséquemment pour le second trimestre. Une des lacunes relevées est le retard observé pour la disponibilité des manuels pour enseignants et pour élèves. Des sommets de retard ont été encaissés au cours du premier trimestre et en conséquence, les matières n'ont pas été bien achevées. Les enseignants de la commune Muyinga, rassemblés au chef-lieu de la province Muyinga, mercredi, ont donc émis le souhait de voir le matériel disponible à temps pour préparer les leçons, surtout que pour la plupart d'entre eux, ils dispensent des cours nouvellement introduits dans l'enseignement au Burundi. Les chargés de recyclage en commune Muyinga ont signifié aux enseignants quels manuels réclamés ont été déjà élaborés par le ministère en charge de l'éducation. À quand est-ce que ces manuels parviendront aux enseignants? Pas de réponse. Vous saurez que les manuels utilisés au cours du premier trimestre ont été élaborés par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, appuyé par le Royaume de Belgique via la coopération technique belge. Je donne Zimana Muyinga pour la radio Isanganiro. Et certains habitants du centre de négoce de Bouhiga dans la province de Karoussi se lamentent qu'ils ne reçoivent plus d'eau dans leurs robinets. Cela est de même pour les robinets publics. Ils se plaignent que certains de leurs voisins en reçoivent. Et les agents de la régie communale de l'eau assurant la gestion de l'eau à ce centre de négoce expliquent que cela est dû au tarissement des pluies. Blaise Pascal Kararoumi. Certains des habitants du centre de négoce de Bouhiga en province Karoussi, y compris les propriétaires des maisons servant d'hôtel comme le Polygone, indiquent qu'ils viennent de passer 3 à 5 mois sans avoir de l'eau dans leur robinet. Ils se lamentent qu'ailleurs, chez certains de leurs voisins, il y a de l'eau, alors que chez eux, c'est le tarissement total, et même pour des robinets publics. Cette situation est la même, même pour 2 établissements secondaires à régime d'internat qui sont sur place, le lycée de Bouhiga et le lycée de l'Espérance. Les responsables de ces établissements se demandent ce qu'ils feront pour la gestion de ces écoles avec la rentrée scolaire de ce lundi prochain. Tous affirment qu'ils utilisent de l'eau achetée, soit chez leurs voisins qui en reçoivent encore quelques fois, soit chez ceux qui vont dans les marais. Au niveau de la régie communale de l'eau qui assure la gestion de l'eau à ce centre de négoce, on indique qu'il y a eu tarissement de la source de l'eau d'Ogasasa qui alimentait ce centre en complément avec la source de l'eau Tonganiqua. Les agents signalent que seule reste la source de l'eau Tonganiqua et que là aussi l'eau est de petit débit, toujours suite au manque de pluie, expliquent ces agents de la régie communale de l'eau de Bouhiga. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Et en actualité internationale en Côte d'Ivoire, les militaires mutins sont déterminés, semble-t-il, à obtenir gain de cause. Des soldats insurgés ont bloqué vendredi 6 janvier l'accès de 5 villes du pays, Daloa, Daoukro, Korogo, Odiené et Bouaké. Des tirs ont retenti pour faire entendre leurs revendications, à savoir des hausses de salaire, des primes et de meilleures conditions d'avancement. De nouveaux tirs ont été signalés ce matin à Abidjan et à Bouaké, où le ministre en charge de la Défense est arrivé en milieu d'après-midi. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui apparemment a parlé au téléphone vendredi soir avec les insurgés, s'est envolé ce samedi matin pour Accra pour assister à l'investiture de son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo. Mais c'est un aller-retour express, puisque le président Ouattara doit tenir un conseil des ministres extraordinaire à Abidjan, au palais présidentiel. Ce sera à 19h, heure de Bujumbura, et c'est dans ce contexte de tension que le lycée français Blaise Pascal à Abidjan a demandé ce samedi matin aux parents d'élèves de venir chercher leurs enfants. Et je vous le disais, plusieurs chefs d'État africains étaient attendus à Accra, capitale ghanéenne, pour assister à la cérémonie d'investiture de Nana Akufo-Addo. Des milliers d'invités ont assisté à la prestation de serment du nouveau président élu. Qui était prévu à la place de l'indépendance d'Accra. L'ancien avocat des droits de l'homme, Akufo-Addo, a battu le président sortant John Dramani Mahama lors de l'élection du mois de décembre dernier. Et après l'investiture, les dirigeants africains présents à la cérémonie discuteront de la crise gambienne où le président Yahya Jammeh a refusé de quitter le pouvoir après sa défaite à la présidentielle. Et le nouveau chef d'État, que l'on dit proche du président ivoirien Alassane Ouattara, son voisin, parle français et cela devrait permettre au Ghana de jouer un rôle plus important en Afrique de l'Ouest. L'homme aux petites lunettes rondes, malgré ses 72 ans, a la réputation d'être énergique et courageux. Et là, on parle du nouveau président ghanéen, Nana Akufo-Addo, intronisé président du Ghana ce samedi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Tout de suite, vous suivez la revue de presse et je serai avec Léonce Vitalio. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu revient sur le discours à la nation du président Pierre Nkurunziza. Entre patriotisme et mise en garde, soutient-il? Ce discours en a appelé à un élan patriotique et la nécessité d'un front commun pour sauvegarder notre indépendance. Aucun étranger n'aimera le Burundi plus que ses fils et filles. Référence est faite aux résolutions des Nations Unies sur le Burundi demandant l'envoi de troupes onusiennes pour sécuriser le pays. Le président de la République a souligné que la vie de la nation a suivi son cours normal l'année dernière. Malgré les sanctions économiques contre le Burundi, les projets et programmes du gouvernement ont été réalisés parfaitement. Je cite, « Celui qui est incapable de voler à ton secours ferait mieux d'auto-quitter le plus tôt possible. » Des mots du président repris par l'hebdomadaire Iwachu. Iwachu revient aussi sur le budget général de l'État exercice 2017, un budget qui sera financé à hauteur de 70,7% sur les recettes intérieures contre 29,3% sur les ressources provenant de l'extérieur. Le ministre burundais des Finances a annoncé de nouvelles mesures, notamment l'augmentation des taxes de consommation sur certains produits et services, en vue d'élargir l'assiette fiscale. Un appel vite entendu selon Iwachu, mais selon lui, l'objectif n'est pas garanti. Avec les nouvelles taxes, en effet, les prix vont augmenter alors que le pouvoir d'achat des contribuables s'effondre de plus en plus. La plupart des consommateurs, crise oblige, renchérit notre confrère, vont concentrer leurs dépenses sur l'essentiel, tenter de satisfaire les besoins vitaux. Iwachu estime qu'avant de pouvoir élargir l'assiette fiscale, il faudrait avoir déjà quelque chose dans son assiette. Hausse des prix jusque quand ? Se demande de son côté le magazine Burundi Echo. Il écrit que les débuts de l'année 2017 viennent d'être caractérisés par la flambée des prix dans certains secteurs comme la téléphonie mobile, la brasserie, le carburant, le sucre. Une hausse des prix qui vient s'ajouter à celle observée vers fin 2016 qui concernait surtout les denrées alimentaires. Et de se demander pourquoi plus les années avancent, plus les modes de vie changent. Avec l'évolution du monde, écrit le magazine, la vie devient de plus en plus dure. Revue de la presse. Le magazine Burundi Echo parle également des infrastructures qui sont menacées par l'éboulement des bords de la rivière Nahangwa. Les glissements de terrain menacent certaines maisons construites le long de cette rivière. Même l'avenue dénommée Mukarakara, se trouvant à environ 20 mètres du pont de la République, en aval de l'hôpital militaire, n'est pas épargnée. Les habitants de cette localité demandent l'intervention immédiate du gouvernement ainsi que d'autres bienfaiteurs pour remédier à cette situation. L'État fixe un même taux de loyer pour les maisons qu'il loue et celles qu'il met en location, titre l'agence burundaise de presse. Le constat a été que les loyers versés par l'État à des particuliers sont très élevés, alors que ce qu'ils perçoivent sur ces bâtiments occupés par des privés sont très dérisoires. Une commission mise en place pour étudier cette question a trouvé que le problème réside dans la mauvaise gestion de la chose publique, ainsi que l'absence des mécanismes de contrôle et de suivi appropriés. Les membres de la commission convergent dans leur rapport sur la nécessité de privilégier l'acquisition progressive par l'État de ses propres immeubles. Le journal La Voix de l'enseignant reprend la plume après 2 semaines de vacances. Il souhaite meilleurs vœux à ses lecteurs, ses partenaires et à ses amis en général, avant de parler longuement de grands chantiers pour le syndicat Conapes, regroupant les enseignants du secondaire. Entre autres objectifs que s'assigne le syndicat pour l'année qui commence, il y a l'augmentation salariale, un logement décent pour ses membres, les bonnes conditions de travail, mais aussi avoir une représentation sûre au sein des institutions de sécurité sociale. Le CONAPES entend également faire le suivi de la mise en application des engagements signés entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, principalement l'accord du 4 juillet 2002, considéré comme le fondement du partenariat gouvernement-syndicat des enseignants, précise la voix de l'enseignant. La cuisine bête noire des enfants VIP à Bujumbura selon la communauté des blogueurs Yaga. Dans les quartiers populaires de la capitale, les jeunes se débrouilleraient mieux en cuisine que dans les milieux au standing. Et à ce sujet, les garçons seraient plus à l'abri des critiques que la gente féminine. Inacceptable selon le billet de blog, Inès, la blogueuse, trouve aussi intéressant de rencontrer un homme qui sait s'y prendre, capable de surprendre sa femme et ses enfants par des plats qu'il fait. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par Jean-Bosco Nduimana et Léonce Vitaliho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.